Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier épisode de notre série consacrée au 11 septembre 2001, selon un tempo simple, avant, pendant et après l'événement le plus important de ce siècle. Commençons par l'avant, évidemment, remontons le temps et voyons les phénomènes et les faits tout court qui ont abouti à ces attentats du 11 septembre. Le 25 décembre 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan. La résistance afghane, divisée entre plusieurs chefs de guerre, s'organise pour expulser l'ennemi commun, l'ours soviétique. Dès le début du conflit, dans une dialectique très guerre froide, selon laquelle les ennemis de nos ennemis sont nos amis, les États-Unis arment et forment les milices résistantes afghanes, qui peuvent également compter sur leurs alliés saoudiens et pakistanais. Alors, très vite, des milliers de jeunes volontaires s'envolent pour aider les Afghans dans leur guerre sainte. Ils sont jeunes, musulmans, et la plupart viennent de pays arabes. Ils sont fiers d'aller faire le djihad contre l'URSS. Parmi eux, on retrouve un jeune saoudien qui finance et organise la résistance des bataillons d'étrangers. Il s'appelle Oussama Ben Laden. Après 8 ans de guerre, en 1988, il crée Al-Qaïda et se retourne contre ses créateurs, en quelque sorte les États-Unis, devenus le nouvel ennemi. Notre invité aujourd'hui, Alix Philippon, maîtresse de conférence à l'IEP d'Aix-en-Provence. Ses travaux portent notamment sur la sociologie politique des religions au Pakistan. Elle a participé au numéro du 11 septembre, l'Avant, le 1, notre journal partenaire, pour cette série. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, et donc avec le 1. Récit documentaire, Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Le 26 février 1993, New York World Trade Center. De ce gigantesque complexe d'immeubles d'affaires, le monde entier connaît surtout les Twin Towers, ou tours jumelles hautes de plus de 400 mètres. Symbole de la puissance américaine, elles sont capables de résister à des rafales de 240 km/h ou à l'impact d'un Boeing 707, selon les architectes. En tout cas, et en toute insouciance, chaque jour, plusieurs dizaines de milliers d'employés se rendent dans les 800 000 mètres carrés de bureaux que contiennent les deux bâtiments, soit 4 fois la superficie du musée du Louvre. Ce jour-là, à midi, Yasuka Shibata pénètre dans le hall de la tour nord. Il prend l'un des 99 ascenseurs pour se rendre au dernier étage et déjeuner au restaurant baptisé le plus simplement du monde, Windows on the World. Près de 110 niveaux plus bas, dans les sous-sols du bâtiment, une fourgonnette Ford Ecoline jaune pénètre dans le parking. Quelques minutes plus tard, les milliers d'occupants de la tour nord ressentent une forte déflagration. Il est 12h37, la nouvelle va faire le tour des JT du monde entier. Bruno Mazur, en France, ouvre son 20h avec cet événement. Madame, Monsieur, bonsoir. Spectaculaire explosion en fin d'après-midi à New York sous le World Trade Center, l'un des plus hauts gratte-ciels de Manhattan. Le plafond d'une gare souterraine s'est effondré sur le public et il y aurait plusieurs centaines de personnes. Il y aurait une centaine de blessés et plusieurs centaines de personnes seraient actuellement bloquées dans l'une des deux tours jumelles. Anne Poncinet. Depuis près de 2 heures maintenant, les sauveteurs procèdent à l'évacuation des victimes. Un mort et une centaine de blessés. Mais il resterait encore d'autres personnes ensevelies sous les décombres. Les plus touchés sont les passagers qui attendaient leur train dans une gare souterraine située en dessous d'une des deux tours du World Trade Center. C'est le plafond de cette gare qui s'est effondré vers 6 heures ce soir, midi, à New York. D'ores et déjà, la police a déclaré que l'explosion entendue par les témoins n'avait pas été provoquée par une bombe. Selon une télévision locale, il s'agirait de l'incendie d'un transformateur. En tout cas, la déflagration a touché la structure de la tour numéro 2 qui est donc en cours d'évacuation. Plusieurs centaines de personnes sortent peu à peu, couverts de suie et en toussant, de cet immeuble de 110 étages qui est un des principaux gratte-ciels de New York. L'explosion provoque un incendie monstre. Plusieurs voitures du parking s'embrasent. La combustion génère une épaisse fumée noire qui se répand dans les étages. Stéphane, un employé de l'ambassade de France, est au 53e étage au moment de la déflagration. En un instant, le bâtiment bouge et il n'y a plus d'électricité, plus de téléphone et pas d'alarme. Alors, que faire? Prendre l'ascenseur? Impossible, tous hors service. Puis il y a la fumée qui commence à monter dans les étages. Finalement, Stéphane trouve refuge dans une salle du 48e, un endroit hermétique. Dans les décombres du sous-sol, on compte déjà plusieurs morts et des centaines de blessés. Alors, la priorité, c'est d'évacuer l'immeuble. Mais cela prend des heures, comme l'explique le journaliste Bruno Alba, correspondant à New York, toujours dans le JT de France 2. 150 blessés, certaines personnes assez grièvement atteintes, mais à l'heure qu'il est, le feu semble être maîtrisé. Le feu qui aurait été déclenché par l'explosion d'un transformateur dans le sous-sol d'un hôtel au pied du World Trade Center. Le World Trade Center, ce sont les deux plus hautes tours de Manhattan, et on peut dire qu'il y a peut-être 100 000 personnes qui travaillent dans ces tours tous les jours. Le principal problème, c'est la fumée. La rue est pleine d'ambulances, de voitures de police, entre lesquelles on voit des gens marcher avec la tête noircie par la fumée. La police et les pompiers, encore une fois, insistent sur le fait que le feu est contrôlé, mais qu'à l'heure qu'il est, leur principal souci est d'éviter que les gens ne paniquent dans les étages. On a déjà vu, par exemple, des vitres cassées et des rideaux flotter au vent au 100e ou au 50e étage. Et à certains endroits, les carreaux ont été cassés par les gens, peut-être gêné par la fumée et qui espérait ainsi pouvoir respirer. Après un long calvaire dans la tour enfumée, plongé dans l'obscurité, les rescapés sont soulagés de respirer un peu d'air frais. Yasuka Shibata, qui s'apprêtait à déjeuner au restaurant du 106e étage au moment de l'explosion, redescend de la tour par les escaliers. Il a le visage noir de fumée. Au moment où il s'essuie avec un mouchoir, un journaliste l'interroge. Le japonais témoigne. « Je viens de Windows on the World », qui veut dire « fenêtre sur le monde ». En fait, c'était une fenêtre sur l'enfer. Le calvaire s'achève au bout de 10 heures. Tout le monde est évacué. Les fondations de la tour ont tenu malgré un cratère de 30 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur. Mais le bilan humain est lourd. 6 morts et plus de 1000 blessés. Dans les heures qui suivent, la police reçoit de nombreux appels pour revendiquer ce qui s'apparente de plus en plus à un attentat. Mais les pistes sont tellement nombreuses. On évoque la Bosnie, les Croates, un front de libération serbe, mais aussi l'Irak, l'Iran, la Libye ou encore Pablo Escobar. Autant dire que les enquêteurs sont dans le flou. Il faut dire qu'ils ont reçu 19 coups de téléphone de revendication. Mais le plus inquiétant et le plus saisissant, c'est que les États-Unis sont frappés sur leur sol. Le professeur d'histoire américaine à la Sorbonne, André Caspi, insiste sur cette dimension-là, car elle change tellement de choses pour l'Amérique et pour le monde. Si c'est un attentat, cela signifie que désormais, le territoire des États-Unis n'est plus invulnérable, que la distance ne sert plus de protection, que les services d'espionnage et de contre-espionnage ne sont pas en mesure d'éviter tous les incidents. Alors, cela veut dire en fait que désormais, les États-Unis peuvent eux aussi vivre sous la menace et qu'il suffit d'un groupe déterminé, comme par exemple les Serbes, comme par exemple les Croates, comme par exemple d'autres groupes, et imaginer à partir de là que des incidents extrêmement violents se produisent à New York, à Washington ou dans d'autres villes américaines. Les Américains n'ont encore jamais connu un attentat d'une aussi grande ampleur. Et par conséquent, c'est préoccupant pour les Américains, c'est préoccupant pour la situation internationale, parce que cela veut dire en fait que aucun territoire désormais n'est à l'abri de ce genre d'explosion. Et pour tous les auditeurs qui prendraient cette émission en route, je rappelle que cet épisode, cet attentat du 27 février 1993, s'inscrit 8 ans avant le 11 septembre 2001. Quelle brèche ! On sait aujourd'hui à quel point cet attentat était prémonitoire. Quoi qu'il en soit, le président américain Bill Clinton, nouvellement élu, doit faire face à une nouvelle menace terroriste. Celle-là, on l'a dit, on le redira, tellement c'est important, s'exprime sur son sol. D'ailleurs, en cet hiver 93, l'attentat aurait dû faire la une des JT pendant plusieurs jours. Mais le 28 février, c'est le début du siège de Waco, au Texas, lancé par le FBI. Il s'agit de mettre fin aux agissements de la secte des Davidiens. C'est une actualité spectaculaire qui fait oublier l'attentat. Une tragédie en chasse une autre. Le blocus de Waco dure près de 51 jours et tient en haleine des millions de téléspectateurs qui assistent à une fin tragique. 86 personnes périssent dans un incendie qui se déclare après l'assaut final du FBI. Pendant ce temps, côté enquête, pour l'explosion du World Trade Center, tout est allé très vite. Dès les jours qui suivent l'attentat, les enquêteurs identifient l'homme qui a loué la camionnette bourrée de 600 kilos d'explosifs. Il s'appelle Mohamed Salamé. Il est palestinien et il commet une erreur surprenante. Voulant récupérer la caution du véhicule de location qui a explosé, il le déclare volé. Et il se présente tranquillement chez le loueur pour reprendre son argent. C'est là que la police l'arrête, le 4 mars, et retrouve ses complices. Dans la foulée, les policiers mettent la main sur Abdulrahman Yassine, un Américain de 33 ans qui est suspecté mais relâché dans la journée. Le lendemain, celui-ci s'enfuit en Irak. Ces deux arrestations conduisent la police à un troisième homme, Ramzi Youssef, un Pakistanais de 25 ans qui a rejoint son pays juste après l'attentat. Quelques mois auparavant, cet homme aurait fréquenté les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Pour comprendre la situation, il faut remonter 5 ans plus tôt, en 1988, à l'époque de la guerre froide. Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan. Des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. Visiblement, Moscou veut mettre toutes ses forces au service du gouvernement afghan, un gouvernement rouge, pro-soviétique, menacé par des soulèvements religieux. Les soviétiques occupent l'Afghanistan depuis 9 ans. Face à eux, les occidentaux, États-Unis en tête, arment les moudjahidines afghans. La résistance reçoit également le soutien de bataillons formés par des volontaires venus de plusieurs pays arabes. Et, parmi eux, un certain Oussama Ben Laden. L'islamiste algérien Abdallah Anas était lui aussi en Afghanistan. En mars 88, il prend connaissance de la création d'une nouvelle organisation islamiste. Il se souvient dans le documentaire « La face cachée de Ben Laden » réalisé par Christophe Brulé. We ate lunch together. Nous avons déjeuné ensemble. So, I remember he didn't. Et je me souviens qu'il n'a pas beaucoup parlé. Talk too much. He talked. Il n'a dit que quelques mots. And I remember. Et je m'en rappelle. C'était des questions comme que peut-on faire pour les Afghans. Can we help the Afghans? Osama had. Osama avait ce que les autres n'ont pas. Which is the money. L'argent. Oussama était riche, c'était un homme riche. À cette époque, Ben Laden a 31 ans. C'est le 17e enfant d'un ouvrier yéménite devenu milliardaire dans le BTP en Arabie Saoudite. Le grand Oussama, 1m95 en effet, hérite de quelques 30 millions de dollars et poursuit des études commerciales et techniques à Jeddah avant de rejoindre le groupe familial. Dès 1979, le jeune homme de bonne famille part faire le djihad en Afghanistan, avec l'assentiment et même la recommandation du chef des services secrets saoudiens. Pendant les premières années, Ben Laden organise les groupes de combattants arabes et ne lutte pour ainsi dire qu'avec son carnet de chèques et ses valises de billets. Ce n'est qu'en 87 qu'il combat pour la première fois lors de la bataille de Jali, aux côtés d'Abdallah Azzam, son mentor, surnommé l'imam du djihad, et de son ami égyptien Mohamed Atef. C'est avec eux et un autre égyptien, le docteur Ayman al-Zawahiri, qu'ils fondent en 88 Al-Qaïda, à Peshawar, au nord du Pakistan. Al-Qaïda signifie « la base » en arabe. Elle devient la plateforme du djihadisme international. Après avoir participé à la chasse soviétique qui quitte l'Afghanistan en 1989, Ben Laden retourne dans son pays, en Arabie Saoudite, auréolé de sa gloire de combattant djihadiste victorieux. Et en août 90, un événement fait la une du JT d'Élise Lucet. On the morning of August 2nd, thousands of people in Kuwait City woke up to war. Bonsoir, la guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance. La guerre avec une offensive éclair conduite aux premières heures du jour et qui marque un tournant tragique dans le conflit qui opposait depuis plusieurs semaines les deux pays. Choqué par cette attaque de Saddam Hussein et conscient du danger que cela représente pour l'Arabie Saoudite, Oussama Ben Laden sollicite une audience auprès du roi Fahd. Il propose au souverain wahhabite de former une armée composée des vétérans du djihad en Afghanistan. Pas besoin d'appeler l'armée américaine à la rescousse pour se protéger. Bien, le roi l'écoute, mais préfère tout de même l'aide des États-Unis. Oussama Ben Laden est outré. Enfin, comment le roi peut-il laisser des centaines de milliers d'infidèles, entendez non-musulmans, fouler la terre sainte d'Arabie? Dépité, le chef de guerre et désormais chef politique, quitte son pays pour développer ses affaires dans la République islamiste du Soudan, qui l'accueille avec bienveillance. Là-bas, le Saoudien construit des routes, se lance dans l'export de matières premières, mais aussi dans le financement du djihadisme international, Algérie, Bosnie, Libye. En décembre 1993, le journaliste britannique Robert Fisk est à Khartoum pour couvrir un sommet islamique. Un confrère saoudien, Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, lui lance « Il y a ici quelqu'un que tu devrais rencontrer ». Alors, direction le nord de la capitale soudanaise, dans un paysage désertique de sable blanc. Arrivé au point de rendez-vous, Jamal Khashoggi présente à Robert Fisk un homme svelte, aux doigts fins et minces, qui ressemble à un montagnard. C'est Oussama Ben Laden. Le reporter britannique évoque directement les soupçons de financement du terrorisme international. Le Saoudien répond calmement, assis au fond de sa tente. « Ce sont les ragots habituels propagés par les médias et les ambassades. Moi, je suis ingénieur. Ma spécialité, c'est l'agriculture et la construction. Alors si je gérerais des camps d'entraînement au Soudan, je n'aurais pas le temps de m'occuper de mon travail. » Et pourtant, année après année, l'ombre de Ben Laden plane sur de nombreux attentats. Plusieurs pays demandent à l'Arabie Saoudite de raisonner ses citoyens. Il refuse de rentrer au royaume, alors Riyad le déchoit de sa nationalité. Mais les services secrets saoudiens auraient toujours gardé des contacts proches avec leurs ex-citoyens. En 1996, c'est le Soudan qui cède à la pression internationale et demande à Oussama Ben Laden de quitter le pays. Juin 1996, Beyrouth, bureau du journaliste Robert Fisk. Le téléphone sonne, le correspondant pour The Independent décroche. « Mr. Robert, un ami que vous avez connu au Soudan souhaiterait vous rencontrer. » Le journaliste pense immédiatement à son confrère saoudien, Jamal Khashoggi. Mais l'homme au téléphone rétorque « Non, non, non, non, monsieur Robert, je parle de l'homme que vous avez interviewé. Vous comprenez ?» D'un seul coup, le reporter anglais réalise « Bien sûr, c'est Oussama Ben Laden qui veut lui parler. » En ce mois de juin 1996, une rumeur circule. Le chef d'Al-Qaïda aurait quitté le Soudan et aurait trouvé refuge en Afghanistan. Robert Fisk accepte de le rencontrer et lui dit pour seule consigne « Allez à Jalalabad, on vous contactera ». Après un long périple, le journaliste anglais parvient à rallier cette ville située à l'est de l'Afghanistan. Et la rumeur dit vrai, Ben Laden est bien retourné sur les lieux qui ont fait sa gloire. Robert Fisk raconte la suite dans son ouvrage « La Grande Guerre pour la civilisation ». Devant nous, dans l'obscurité peuplée d'insectes, nous apercevions la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, aux côtés de laquelle était assis un homme barbu, de haute taille, vêtu à la saoudienne. Oussama Ben Laden se leva, accompagné de ses deux fils adolescents, Omar et Saad. « Bienvenue en Afghanistan !» me dit-il. Il n'avait que 40 ans, mais semblait beaucoup plus vieux que lors de notre précédente rencontre dans le désert soudanais fin 1993. Il dépassait d'une tête la plupart de ses camarades de combat. Déjà mince, il avait maigri. De nouvelles rides s'étaient formées autour des fentes étroites de ses yeux. Et sa barbe, qui était plus longue qu'auparavant, commençait à grisonner par endroits. Il portait un keffieh à petits carreaux rouges et un gilet noir par-dessus sa tunique blanche. Il avait l'air fatigué. Quand il s'enquit de ma santé, je lui répondis que j'avais fait un long voyage pour venir à sa rencontre. « Moi aussi, » marmonna-t-il. Il émanait de lui une impression de solitude, de détachement, que je n'avais pas remarqué précédemment. Comme s'il avait longtemps médité sur sa colère et exploré la nature de son ressentiment. Peu après, le journaliste anglais parle à Ben Laden de l'attentat au camion piégé qui a tué 19 soldats américains dans la ville de Dahran, en Arabie Saoudite, 10 jours plus tôt. Le chef d'Al-Qaïda ne revendique pas l'attaque, mais il s'en félicite. En Afghanistan, le 27 septembre 1996, Oussama Ben Laden peut se réjouir d'un autre événement. Les talibans arrivent au pouvoir à Kaboul. Le calme est revenu tôt ce matin à Kaboul après 3 jours de combats entre l'armée gouvernementale et les milices des talibans. La capitale afghane est passée sous contrôle des islamistes dont la première préoccupation a été de décréter l'instauration d'un État islamique. Et leur premier acte a été d'exécuter l'ancien président communiste afghan Najibullah qui était réfugié depuis 4 ans dans un bâtiment des Nations Unies. Il a été pendu à un réverbère avec au moins un de ses collaborateurs. Le témoignage d'Éric Gazo, responsable de Médecins Sans Frontières à Kaboul. Il y a eu des combats toute la nuit, des combats de rue et des tirs de roquettes dans Kaboul et à la périphérie de Kaboul, des tirs de canon, des chars. Depuis 2-3 heures, la situation est revenue au calme, c'est-à-dire qu'en fait, les talibans contrôlent maintenant la ville. Dans la rue, il n'y a aucun problème, on peut se promener en sécurité. Avec le mollah Omar qui arrive au pouvoir, Oussama Ben Laden trouve un allié de poids. L'ex-saoudien finance les talibans et en échange, ceux-ci ferment les yeux sur les camps d'entraînement de Ben Laden. Car Al-Qaïda attire chaque semaine de plus en plus de volontaires qui viennent se former au djihad et préparer des attentats. En février 1998, Ben Laden publie un communiqué dans lequel il annonce la création du Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés. On peut y lire... Tuer les Américains et leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est un devoir qui s'impose à tout musulman qui le pourra, dans tout pays où il se trouvera. Côté américain, on commence à s'inquiéter de ce personnage vindicatif et considéré comme de plus en plus dangereux. En juin 1998, la justice américaine l'inculpe en secret, et même plus. Un projet est créé pour capturer Ben Laden en Afghanistan avec l'aide de groupes afghans. Steve Cole, rédacteur en chef adjoint du Washington Post, explique les dessous de cette opération dans le documentaire « La face cachée de Ben Laden ». Ils comptaient s'approcher de la ferme et en pleine nuit passer par une évacuation d'eau. Entrer dans la chambre de Ben Laden où il était censé se trouver avec une de ses femmes, le sortir, le mettre dans une jeep, l'emmener dans une grotte où ils avaient apporté à l'avance assez de nourriture pour le garder en vie pendant 30 jours. Pendant qu'ils étaient dans la grotte, ils devaient avoir un contact radio avec la station de la CIA à Islamabad. La CIA devait avoir un contact avec les autorités juridiques américaines qui devaient établir les charges criminelles nécessaires. Ensuite, le FBI devait s'y rendre en avion avec des forces spéciales, rejoindre en secret une piste d'atterrissage dans le désert afghan, sortir Ben Laden de la grotte, le mettre dans l'avion et le ramener aux États-Unis. Ce projet du FBI et de la CIA, ambitieux mais irréaliste, est rangé dans les tiroirs. Quelques semaines plus tard, le vendredi 7 août 1998, un double attentat fait la une des journaux. France Inter. Un paysage de guerre, c'est ce qu'ont découvert les premiers sauveteurs accourus après l'explosion de l'ambassade américaine de Nairobi au Kenya. Immeubles écroulés, voitures renversées, corps sur la chaussée. Selon les premières estimations, l'attentat aurait fait une 60aine de morts et 1 millier de blessés. Autrement dit, une véritable boucherie dans les bureaux proches de l'ambassade et dans les rues du centre-ville de Nairobi. 8 Américains figureraient dans ce bilan. À 5 minutes d'intervalle, une autre bombe a explosé à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, le pays voisin. Là encore, c'est l'ambassade des États-Unis qui a été touchée. Là encore, des morts et des blessés, Vanessa Descoureaux. Oui, d'ailleurs, pour les 2 attentats, tout était prévu pour faire un maximum de victimes. L'heure d'abord, une heure de très grande affluence dans la matinée, 10h30. Le lieu ensuite, les centres-villes de Nairobi et de Dar es Salaam. Et puis surtout la cible, les représentants des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. Les témoins sur place parlent d'une vraie boucherie. La déflagration a été d'une violence inouïe. Des flaques de sang sont visibles jusqu'à plusieurs centaines de mètres du lieu où la bombe a explosé. Des scènes d'horreur, de panique depuis ce matin à Nairobi. Ce scénario dramatique et sanglant est d'ailleurs le même à Dar es Salaam. Depuis, les secours en Tanzanie et au Kenya essayent de se mettre en place. Il y aurait encore de nombreux corps sous les décombres. C'est du moins ce que pense la Croix-Rouge qui est sur place. Mais pour l'instant, cette région de l'Afrique craint d'autres attentats. L'ambassade des États-Unis en Ouganda a été évacuée par mesure préventive. Le président américain Bill Clinton réagit et déclare « Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour mener les responsables devant la justice, quel que soit le temps nécessaire. » Empêtré dans l'affaire Lewinsky, Bill Clinton ne va pas utiliser la voie de la justice, mais plutôt la réponse militaire. Ainsi, 2 semaines après les attentats, la CIA localise Ben Laden. Bill Clinton signe un ordre de recherche mortelle. ça veut tout dire, et donne son accord pour déclencher l'opération baptisée Infinite Reach. août 1998, Afghanistan. Ce jour-là, des dizaines de missiles de croisière américains Tomahawk s'abattent sur les camps d'entraînement contrôlés par Osama Ben Laden. À 4000 km au sud-ouest des montagnes afghanes, d'autres missiles détruisent l'usine pharmaceutique Al-Shifa au Soudan, suspectée d'aider le chef d'Al-Qaïda à produire des armes chimiques. Au total, 79 Tomahawks sont tirés. Bill Clinton doit s'expliquer. Notre cible était le terrorisme et notre mission claire, frapper un réseau de groupes radicaux financé par Oussama Bin Laden, peut-être le plus grand promoteur du terrorisme dans le monde. Muni des preuves qu'ils étaient en train de planifier d'autres attentats contre des Américains ou leurs alliés, j'ai pris la décision d'agir. Les États-Unis ont bombardé simultanément plusieurs camps terroristes en Afghanistan. Bilan les frappes, près de 30 morts et la destruction de la principale usine de médicaments soudanaise. Selon un ambassadeur allemand, la pénurie de médicaments qui s'en est suivie a provoqué probablement des dizaines de milliers de morts les années suivantes. En revanche, Oussama Ben Laden, lui, est sain et sauf. Selon la CIA, il a échappé aux frappes aériennes à quelques minutes près. Et il ressort forcément renforcé de cette épreuve et de ce coup de pouce du destin. Le numéro 2 d'Al-Qaïda, lui, Ayman al-Zawahiri, téléphone à un journaliste de Newsweek et déclare « La guerre vient juste de commencer. Les Américains doivent maintenant attendre la réponse. » Désormais, Osama Ben Laden, ciblé ainsi par le président de la première puissance mondiale, devient l'opposant numéro un des Occidentaux. Chaque semaine désormais, des dizaines de candidats au djihad posent leurs valises en Afghanistan. Les bataillons grandissent dans chaque camp, et tel un général qui prépare ses troupes à la guerre, Ben Laden leur tient ce type de discours. Le fruit de cet entraînement dans les camps, c'est de faire le djihad pour Allah. Il y a vos frères en Palestine qui vous attendent avec patience. Et ils vous attendent pour se battre avec vous contre les Américains et les Israéliens. Le monde est vaste et ils ont des intérêts partout. Il faut faire votre possible pour frapper partout. Chaque jour, des hommes font la queue pour confier aux leaders d'Al-Qaïda leur projet d'attaque et d'attentat. Ce n'est pas Oussama Ben Laden qui recrute, non. Lui agit un peu comme un producteur de cinéma. On lui propose des scénarios et s'il est convaincu, il finance. Il se trouve que l'un de ses très proches a un projet à lui soumettre. Cet homme s'appelle Khaled Sheikh Mohammed. C'est l'oncle l'un des terroristes du World Trade Center en 1993. Il aurait même participé à l'élaboration de l'attentat. Deux ans plus tard, en 1995, il imagine l'opération Boyinka. Ce plan prévoit des attaques avec des détournements d'avions, tiens donc, projetés contre des monuments américains, le Capitole, des centrales nucléaires, et déjà le Pentagone et le World Trade Center. Mais toutes ces opérations avaient été déjouées par la police philippine à Manille, après la découverte d'un ordinateur portable en 1995. Revenons à 1999. L'attaque par les airs, c'est ce qui obsède Khaled Sheikh Mohammed. Et pour Ben Laden, peu importe le moyen, seul le résultat importe. Alors, les deux hommes discutent du projet. Ali Soufan, ancien agent du FBI qui enquête sur Al-Qaïda depuis le milieu des années 90, raconte cette entrevue dans le podcast de France Inter intitulé « 11 septembre, l'enquête » de Grégory Phillips. Khaled Sheikh Mohammed a toujours eu cette idée en tête. Il voulait mener une opération pour frapper le World Trade Center avec des avions. À l'époque, il imaginait qu'il pourrait louer des petits avions Cessna et que des candidats au suicide iraient s'écraser contre le building. Mais tout le monde lui disait, tu ne vas faire que briser quelques fenêtres, au moins remplis-les d'explosifs. Donc, Khaled Sheikh Mohammed a déménagé avec sa famille en Afghanistan. Il a rejoint Al-Qaïda et il a parlé à Oussama Ben Laden de son projet. Ben Laden l'a écouté. Et une fois que Khaled Sheikh Mohammed a fini de lui présenter son plan, Ben Laden a dit « Pourquoi tu veux aller à la guerre avec une hache quand tu peux y aller avec un bulldozer ?» Ben Laden donne son accord pour cet attentat spectaculaire sur le sol américain. Khaled Sheikh Mohammed se met alors à recruter des futurs kamikazes. Nous sommes en 1999. Aux États-Unis, Bill Clinton est dans la dernière année de son deuxième mandat. Le démocrate ne peut plus se représenter à la présidentielle qui débute en 2000. Et c'est un match Al Gore-George Bush Jr. qui se dessine. Octobre 2000, Port Aden, Yémen. Le destroyer lance-missile USS Cole est en cours de ravitaillement. Quand tout à coup, une embarcation fonce sur le navire de la marine américaine. Les militaires n'ont pas le temps de neutraliser le petit canot et ses deux occupants. Quand ils entrent en collision avec le bateau, les deux terroristes déclenchent la charge explosive composée de plusieurs centaines de kilos de C4. L'attentat suicide provoque la mort de 17 marins américains et suscite une vive émotion aux États-Unis, alors plongés dans le dernier mois avant le vote de la présidentielle. D'ailleurs, ce scrutin est l'un des plus serrés de l'histoire du pays. Finalement remporté par George Bush après le recompte des voix en Floride et l'abandon d'Al Gore. Le 13 décembre 2000, le fils de George Bush savoure son moment. La présidence est plus qu'un honneur. C'est plus qu'un bureau. C'est une charge à porter et je vais m'y consacrer pleinement. Merci beaucoup et que Dieu bénisse l'Amérique. Au même moment, les futurs terroristes du 11 septembre commencent à s'installer sur le sol américain. Parmi eux, Mohamed Atta, un Égyptien qui dirige la cellule dite de Hambourg. 20 hommes ont été sélectionnés par Khaled Sheikh Mohammed et Oussama Ben Laden. En cet été 2001, des signaux d'alerte arrivent de nombreux services secrets du monde entier qui disent « une attaque visant les États-Unis est en préparation ». Pendant ce temps, plusieurs des futurs terroristes commencent à suivre des cours d'aviation où ils ne s'intéressent ni au décollage, ni à l'atterrissage. Les cours sont payés en 5 virements de 115 000 dollars par le neveu de Khaled Sheikh Mohammed, le cerveau des attentats. 4 avril 2001, de l'autre côté de l'Atlantique, un chef de guerre afghan fait sa première visite en Europe. Il est bien connu des Français, il s'appelle Ahmed Shah Massoud, le lion du Panjshir, et l'un des derniers Afghans à résister aux talibans qui viennent de détruire l'un des joyaux de l'architecture mondiale, les Bouddhas de Bamiyan. Lors d'une conférence de presse à Paris, Massoud demande l'aide de l'Occident pour lutter contre les talibans, mais également contre Ben Laden et ses camps d'entraînement djihadistes. Et il prévient le président américain George Bush. Vous le savez, jusqu'à ce jour, les Américains n'ont pas une politique claire à ce sujet. Mon message au président Bush est le suivant. S'il ne s'intéresse pas à la paix en Afghanistan, s'il n'aide pas le peuple afghan pour parvenir à son objectif de paix, les problèmes auxquels nous faisons face seront ceux auxquels les Américains et le reste du monde sera obligé de faire face. Vu que la nature de l'ingérence pakistanaise et le comportement injuste des talibans se manifestent de plus en plus, la résistance s'organise davantage au sein de tout le peuple afghan, de toutes les ethnies. Dans un avenir proche, vous serez témoin des mouvements populaires, y compris dans les zones pashtounes, contre les talibans. Les Américains connaissent bien Massoud, qui a combattu contre les Soviétiques dès 1979. Des contacts ont même été pris après les attentats de 1998 pour que lui et ses hommes se lancent dans une opération de capture de Ben Laden. Mais l'opération a été abandonnée. À l'été 2001, les États-Unis négocient avec les talibans pour qu'ils leur livrent Ben Laden. En toile de fond, il y a un énorme projet de gazoduc censé traverser l'Afghanistan et qui pourrait rapporter aux dirigeants talibans des milliards de dollars. Mais ça ne marche pas. Le Mollah Omar refuse de leur livrer Ben Laden. Alors, les rumeurs de guerre commencent à circuler. Les États-Unis pourraient s'attaquer aux talibans. En tout cas, c'est cette idée que diffusent les services secrets pakistanais et qui vient aux oreilles d'Oussama Ben Laden. Alors pour lui, à partir de ce moment-là, et c'est un instant fondamental, les choses sont claires, il est temps d'accélérer le projet d'attentat. 6 août 2001, Texas. George Bush est en vacances dans son ranch de Prairie Chapel. C'est ici qu'il reçoit une note des services secrets américains. Elle est intitulée « Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis ». Une source clandestine a dit en 1998 qu'une cellule de Ben Laden à New York recrutait des Américains musulmans pour des attentats. Nous n'avons pas été en mesure de corroborer certaines des menaces les plus sensationnelles, comme celle d'un service en 1998 disant que Ben Laden voulait détourner un avion américain pour obtenir la libération du cheikh aveugle Omar Abdelrahman et d'autres extrémistes détenus aux États-Unis. Mais des informations du FBI depuis lors donnent des signes d'activité suspecte dans ce pays correspondant à des préparatifs de détournement et d'autres types d'attentats, y compris la surveillance de bâtiments fédéraux à New York. Le FBI conduit environ 70 enquêtes sur le terrain à travers les États-Unis qu'il considère comme concernant Ben Laden. La CIA et le FBI enquêtent sur un appel reçu par notre ambassade dans les Émirats Arabes Unis en mai, disant qu'un groupe ou des partisans de Ben Laden se trouvent aux États-Unis et préparent des attentats à l'explosif. 9 septembre 2001, Vallée du Panjshir. Deux journalistes tunisiens avec de faux passeports belges se présentent aux soldats de commandant Massoud. Ils souhaitent interviewer le chef de guerre aux allures guévaristes. Massoud accepte. Lors de l'entretien, elle est accompagnée de son conseiller, Massoud Khalili. Ce dernier raconte les déroulements de l'interview dans la série documentaire « Afghanistan, pays meurtri par la guerre » diffusée sur Arte. Sur la quinzaine de questions, pas loin d'une dizaine portaient sur Oussama Ben Laden. Pourquoi, en France, avez-vous pris parti contre Oussama Ben Laden? Pourquoi ne croyez-vous pas en lui? J'étais à côté du commandant. À l'instant où j'ai voulu chuchoter en persan « Quelle est la situation ?» Boum ! Il était mort. L'un des deux faux journalistes déclenche sa ceinture explosive. Massoud est touché. Le second terroriste tente de s'enfuir. Il est abattu. C'est un attentat signé Al-Qaïda. En s'attaquant au pire ennemi des talibans, Ben Laden semble leur faire un cadeau en échange de leur protection à venir. Car il sait qu'il va devenir l'homme le plus recherché de la planète. Ce sera lui. Deux jours plus tard, le commandant Massoud est donné pour mort par plusieurs sources. Nous sommes le 11 septembre 2001. Afghanistan, le même jour. Midi, le chef d'Al-Qaïda s'est réfugié dans une maison secrète. Surexcité, Ben Laden demande à son chargé des médias de lui installer une connexion satellite et lui lance « C'est très important que nous puissions voir les informations aujourd'hui. » Mais à l'écran, seulement de la neige, impossible de capter une image. Son garde du corps manipule le satellite, mais rien n'y fait. Très agacé, Oussama Ben Laden se fait une raison. Il va devoir suivre les événements du 11 septembre à la radio. Well, you're my friend. And can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts, but did you ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind. And that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. 11 septembre 2001, dans Affaires Sensibles aujourd'hui, notre invité Alix Philippon, bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférence à l'IEP d'Aix-en-Provence, vos travaux portent notamment sur la sociologie politique des religions au Pakistan. Et vous avez participé au numéro de l'hebdomadaire Le 1, intitulé 11 septembre, l'avant. Alors, puisque vous êtes une spécialiste du Pakistan, ça tombe vraiment très bien, parce que voilà un pays dont les dessins géopolitiques paraissent compliqués, voire illisibles. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble, parce que c'est un des aspects quand même de cette affaire-là. D'abord, la naissance d'Al-Qaïda a eu lieu au Pakistan. Les Pakistanais ont-ils laissé faire? Si oui, pourquoi les services secrets pakistanais, l'ISI, étaient-ils au courant? Alors, le Pakistan, c'est vrai, a joué un rôle très important dans le djihad en Afghanistan, de multiples manières, notamment parce que les fonds saoudiens américains transités par les services de renseignement pakistanais, tristement célèbres, l'ISI, redoutable, qui ensuite allaient redistribuer ces fonds de l'autre côté de la frontière, notamment à certains groupes mujahidines qu'ils ont soutenus à travers toutes les années 80 et même après, et notamment le groupe de Gulbuddin Hekmatyar. Le Pakistan a aussi été important parce que la ville de Peshawar, qui est la capitale de la province frontière du nord-ouest du Pakistan, était en quelque sorte la base arrière de cette résistance afghane. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs là que Ben Laden, avec Abdallah Azam, comme il a été dit dans le reportage tout à l'heure, se sont installés. Ben Laden et Abd al-Azam, évidemment, passaient allègrement cette frontière afghano-pakistanaise qui, historiquement, a été tracée par les Britanniques à la fin du 19e siècle et n'a jamais été reconnue par l'Afghanistan. C'est une frontière qui est extrêmement poreuse et qui accueille de part et d'autre le même groupe ethnique, les Pashtuns. Les Pashtuns sont donc majoritaires dans cette province frontière du Nord-Ouest et dans les fameuses zones tribales qui vont devenir extrêmement importantes dans la suite de l'histoire. Mais aussi, c'est le groupe ethnique le plus important en Afghanistan. Oui. Et c'est au sein de ce groupe ethnique, effectivement, que les talibans ont commencé à se développer et à s'organiser dans le sud de l'Afghanistan en 1994, dans la ville de Kandahar. On voit à quel point le Pakistan, une partie du Pakistan, est base arrière des groupes terroristes. Comment ont réagi les autorités, le gouvernement pakistanais, Islamabad, après les attentats du 11 septembre ? Alors, à l'époque, la personnalité qui était au pouvoir au Pakistan s'appelle Pervez Musharraf. C'est un général qui a pris le pouvoir par un coup d'État en septembre 1999, et à l'époque, de manière tout à fait ambivalente, il va applaudir l'intervention américaine qui va suivre, bien sûr, en octobre, les attentats du 11 septembre, et il va être forcé de changer radicalement la politique qui avait été celle du Pakistan depuis une dizaine d'années, qui était une politique de soutien à l'égard des talibans. Le Pakistan était un des seuls États à avoir reconnu l'Émirat islamique d'Afghanistan avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et donc, suite au 11 septembre, qui a radicalement changé la donne dans la région, le président Pervez Musharraf va être obligé de se rallier à cette guerre contre le terrorisme, mettant ainsi à mal des liens anciens depuis au moins 20 ans, on le sait. L'establishment militaire pakistanais et les services secrets avaient noué des liens au Pakistan, mais aussi en Afghanistan, avec des groupes sectaires et djihadistes. Mmh. Et donc, ce sont ces liens de patronage, de clientélisme, avec ces différents groupes qui vont être mis à mal par le ralliement à la guerre contre le terrorisme. Donc, évidemment, bien évidemment, les médias américains, le Congrès, les leaders politiques ont assez rapidement remarqué qu'il y avait une sorte de, peut-être, double jeu ou de politique de duplicité de la part du Pakistan. Bien sûr. Mais alors, d'une manière générale, est-ce qu'on peut dire que s'exprime là toute l'ambiguïté du jeu pakistanais dans tout ce qui se passe en Afghanistan, aujourd'hui encore, avec le retour des talibans? Donc, quel jeu joue ce pays, aujourd'hui, hein, officiellement allié des Américains? Aujourd'hui, c'est illisible. Ou alors, on est dans l'ambivalence, ou alors la politique. Je pense que vous avez tout à fait raison. Le terme clé ici, pour essayer d'élucider ce qui se joue, c'est le terme d'ambivalence. Les schémas simplistes ne s'appliquent pas dans cette partie du monde. Et effectivement, ce terme d'ambivalence est extrêmement intéressant, puisqu'il permet de comprendre comment on peut à la fois mener une politique et une autre politique. Et il ne faut jamais considérer tous les acteurs impliqués dans ce conflit, que ce soit des acteurs comme les services de renseignement, l'armée, ou même les groupes impliqués comme les talibans, comme des groupes monolithiques ou des institutions monolithiques où tout le monde serait d'accord, où il y aurait une sorte de consensus et où tout le monde marcherait d'un même pas. C'est absolument pas le cas. Si on pense à l'ISI, par exemple, c'est une institution qui est très compartimentée. Vous pouvez avoir certains agents de l'ISI à qui on va demander... Les services secrets pakistanais, hein. Pardon, je précise pour les auditeurs, ISI, services secrets pakistanais. Tout à fait. Voilà. C'est une des trois agences de renseignement au Pakistan. C'est la plus connue. À l'origine, c'était plutôt une agence qui était censée s'occuper des affaires extérieures, mais on le sait, elle est aussi très très influente au Pakistan même, notamment dans les affaires politiques. Et ce sont donc ces services de renseignement pakistanais qui ont joué un rôle extrêmement important et qui donc ont pu à la fois soutenir les États-Unis dans cette guerre contre le terrorisme et à la fois continuer à entretenir des liens et à soutenir certains de ces groupes, et notamment, bien évidemment, les talibans en Afghanistan. On le sait, tout récemment, il y a eu des manifestations à Kaboul, de femmes notamment, qui demandaient un arrêt de l'ingérence pakistanaise dans les affaires afghanes. Ouais. Et on le sait là aussi, cette ingérence pakistanaise n'est pas nouvelle dans les affaires afghanes. Le Pakistan a eu tendance à considérer l'Afghanistan comme une sorte d'arrière-cour, une sorte de protectorat qui lui permettrait de pouvoir exercer, qui serait le théâtre, si vous voulez, d'une sorte de profondeur stratégique qui lui offrirait du champ et des soutiens politiques. Comme la Syrie, sur le front, comme la Syrie avec le Liban. Occidental, pardon. Comme la Syrie avec le Liban. Comme si vous voulez. Voilà. Mais là, dans le cas du Pakistan, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est déterminant finalement dans la lecture de la politique, des politiques pakistanaises dans la région, le Pakistan est né en 1947 d'une partition avec l'Inde. Oui. Et donc le Pakistan s'est développé, s'est constitué son appareil d'État dans une sorte d'insécurité permanente par rapport à l'Inde. Et donc c'est pour effectivement contrebalancer cette hostilité du voisin indien que le Pakistan a eu tendance à évidemment s'immiscer de manière un peu trop persistante dans les affaires afghanes. Ce qui est donc aujourd'hui dénoncé avec force par certaines des manifestations à Kaboul, mais également par le fils même de Ahmed Shah Massoud. On a vu qu'il a dû quitter le Panjshir tout récemment. Les talibans ont réussi à prendre la vallée et lui-même apparemment dénoncé l'implication des services pakistanais dans cette prise de la vallée du Panjshir. On le sait, les Pakistanais ont sans doute aidé les talibans dans cette sorte de fulgurante prise du pouvoir ce dernier mois. Bon, donc il faut, pour aborder ces thèmes-là, avoir une grille de lecture, tout sauf simpliste. Hein. Absolument. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On a raconté donc ce qu'on appelle l'avant-attentat. On parlera des attentats proprement dit demain. Qu'est-ce qui, à votre avis, a été le point de bascule dans les différentes étapes que nous avons racontées aujourd'hui? À quel moment, voilà, on se dirige immanquablement vers le drame du 11 septembre? Oh, je pense que c'est extrêmement difficile de déterminer un point de bascule. Oui, j'imagine. Je vois que vous avez essayé de le faire en évoquant certaines menaces qui avaient pu être proférées à l'encontre des talibans qui donc avaient offert leur protection à Ben Laden depuis au moins 96. Il était un peu considéré comme l'invité des talibans, et donc bien évidemment avec la multiplication des attentats visant les intérêts américains, les États-Unis ont demandé aux Afghans de leur livrer Ben Laden, ce qu'ils ont refusé de faire et ce qu'ils ont continué de refuser de faire après le 11 septembre pour différentes raisons, notamment souvent ce qui a été invoqué, c'était une forme de principe d'hospitalité qui est absolument central dans le Pashtunwali, le code d'honneur des Pashtuns dont sont issus les talibans. Donc, pour ma part, je trouve qu'il est très difficile d'essayer de, si vous voulez, d'identifier un moment, un point de bascule dans cette genèse complexe des attentats. Oui, en fait, donc c'est lent. Mais oui, allez, très rapidement, malheureusement, il ne reste que quelques très secondes. Rapidement, vraiment très rapidement. Il est quand même important de rappeler, comme vous l'avez fait dans le reportage, qu'il y avait effectivement des pourparlers en cours concernant la construction de pipelines à travers l'Afghanistan. Oui. Et il faut aussi rappeler que les États-Unis, dans cette perspective-là, avaient applaudi l'arrivée au pouvoir des talibans, pensant que les talibans allaient jouer le rôle d'une sorte de police qui allait permettre de sécuriser le territoire afghan de manière à permettre le déploiement de ces pipelines. Plan qui allait acheminer les ressources du Turkménistan, de toutes ces républiques d'Asie centrale, vers le Pakistan et peut-être l'Inde. Voilà, quelle cécité. Alix Philippon, merci infiniment pour ces éclairages sur cette question compliquée, notamment du Pakistan. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le 11 septembre, l'avant, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Grégory Wallon. Les analyses, récits et témoignages de nos trois invités de la semaine sont à retrouver dans un livre sous la direction d'Éric Fotorino et Sylvain Sipel, 11 septembre 2001, avant, pendant et après, collection Les Indispensables, coédité par le 1 Hebdo, les éditions Philippe Ray, disponible en kiosque et en librairie à partir du 9 septembre 2021. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de problème, toutes les informations sont inscrites sur la page de l'émission. À écouter le podcast La Voix du 1, les 20 ans du 11 septembre, avec Sylvain Sipel et Jenny Raflix sur le site du 1 Hebdo ou sur les plateformes. Ça fait beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à lire.